troisième partie de notre dossier consacré aux Kryptoniens. On a abordé les comics, les crossovers et les séries animées. Et là, on va aborder les séries avec des acteurs, tout simplement. Voilà, on appellerait ça un live action. C'est ça, c'est les live action séries. On commence déjà en 1948 avec la première incarnation de Superman, qui est Kirk Allen, dans deux sérioles. Le premier Superman de 1948, où là, le Superman est opposé à une certaine Spider Lady. Donc Spider Lady, quand moi j'ai vu son accoutrement, j'ai pensé à Madame Web. Je sais pas si tu te souviens de ce personnage. Bah, je connais très bien Madame Web. Hein. Ouais. Ça dépend de quelle version tu vas parler. Parce que Madame Web, dans l'univers Ultimate, elle a aucun pouvoir. Ça à part lire l'avenir. Bah, elle a pas de pouvoir, Spider Lady. Moi, je trouve que ça, la façon de s'habiller. En plus, il y a une espèce de toile d'araignée sur un mur. Et elle a des espèces de masques sur ses yeux. Donc, ouais, ça a exactement le costume de Madame Web actuel. Donc je pense que ça a vachement influencé le personnage. Enfin, Madame Web, ce personnage qui est apparu dans les années 90, me semble. Ouais, largement. Même 80, je dirais. Donc un personnage de Spider-Man, hein, pour rappeler un petit peu le contexte. Donc un sérial de 15 épisodes, suivi par un second de 15 épisodes aussi, vu que c'était des sérials qui... On va un petit peu expliquer ce que c'est qu'un sérial. Des petits courts-métrages qui formaient un grand film, en fait. Ouais, en fait, c'est un peu comme un soap ou les épisodes de Doctor Who de 1963. Ouais. Enfin, morceau, et tous les petits morceaux faisaient une histoire complète. Et tu raccordes, en fait. Donc, en 15 épisodes. Donc, le deuxième, c'est l'homme atomique contre Superman. Et là, on voit vraiment la première incarnation de Lex Luthor. Luthor qui porte une espèce d'armure un peu kitsch et qui se bat contre Superman. Ouais, puis le sérial aussi, c'est le principe du sérial, c'est que ça se termine sur un cliffhanger. C'est-à-dire qu'on a vraiment une incitation à revenir dans la salle pour voir la suite. On va passer en 52, où là, c'est plus sérieux, vu qu'on a certainement le Superman, l'un des Superman les plus célèbres, c'est George Reeves. George Reeves qui débute, en fait, dans les aventures de Superman, une grande série de 104 épisodes. Alors, il faut savoir que, pour l'aspect un petit peu technique, les scènes de vol sont pas filmées qu'un acteur, ce sont des scènes d'animation, quoi. J'ai même l'impression que ça reprend un petit peu la série animée de 41, bah, des fois, pour éviter justement qu'il y ait un coup trop fort. Et donc George Reeves et Kirk Allen, qui sont pas vraiment des bodybuilders, hein, quand on les voit, ils ont les mains sur la hanche pour faire les fiers, et puis ils repoussent des missiles, et enfin bon, il y a le côté kitsch et un peu ringard. C'est George Reeves est devenu aussi une icône dans son genre, quoi. Et donc on fait un bond en 61, là où on a une première apparition de Superboy avec Johnny Rockwell. Alors c'est, je ne sais pas, il n'y a pas de trace sur internet d'un moindre résumé. Je suis un peu tombé là par hasard là-dessus. Mais par contre, Superboy revient dans une série de 1988. Voilà, donc c'est une série de 88 qui était apparue dans l'émission qui s'appelait La Une est à vous. Hein, donc j'en ai déjà parlé au début. Bah, voilà, c'était un Superman junior, hein, c'est-à-dire qu'il vit encore à la ferme chez les Kent. Hein, et puis il sauve la situation locale, hein, très locale, hein, vraiment à Smallville. C'est Smallville, hein, quoi. Ouais. Voilà, c'est Smallville. C'est pas comme Smallville, les séries des années 2000, hein, ouais. Mais c'est un Superman bien gentillé. Bon, on a quand même des super méchants très impressionnants comme Toyman. Non, je rigole, en fait, c'était que des nazes. Et donc, c'était juste Superboy qui montrait un peu l'échantillon de ses pouvoirs et puis qui sauvait la situation épisode par épisode. Donc, sans fil rouge, hein, épisode linéaire, vous pouvez regarder le 1, le 8, le 14, le 28, le 20. C'était très, très orienté pour l'adolescent, quoi. Oh oui, pour le maximum une quinzaine d'années, hein, pour regarder ça. Et est-ce qu'il y avait des vilains connus dans cette série? Moi, le seul que j'ai reconnu, c'était Toyman et Mugsnblick. Qui c'est celui-là, Toyman? Toyman, c'est quand même un ennemi de Superman qui a réussi à quasiment le faire mourir. En fait, il n'était pas mort, hein. Il a été transporté dans le futur, là où Vandal Savage avait enfin réussi à éloigner la Terre du Soleil, hein, tout simplement, et à faire mourir toute la population. En fait, voilà, facilité scénaristique. Et donc, ouais, Toyman a désintégré Superman, mais en fait, l'a téléporté dans le temps, et Savage, lui, le re-téléporte dans le présent pour l'empêcher, pour que Superman empêche Savage de faire la connerie de déplacer la Terre. Et là, c'est dans un épisode de Superboy, ça? Non, dans la Ligue de Justice, la Justice League. D'accord. Et là, Toyman, donc, c'est un fan de jouets qui a envie de faire chier Superboy. D'accord. Juste, mais c'est, voilà, j'ai résumé bien le personnage au niveau de Superboy. Donc, il faut savoir que cette série de 100 épisodes, quand même. Apparemment, il y a eu des problèmes de tournage. Il y a eu d'abord du John Ames Newton, puis Gerard Christopher, quand même plus connu. Et la série a été produite par Alexander et Ilya Salkin, qui ont un peu surfé sur le succès des films Superman, vu que ce sont eux qui ont produit les Superman avec Christopher Reeve. Ouais, puis en même temps, le niveau du costume, c'était copier-coller de celui du film. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, on voit vraiment que, à la rigueur, je pense que c'était plus, c'était une espèce de préquel, quoi, quelque part. Ouais, je peux pas dire préquel. Non, non, c'était vraiment un prétexte pour pas utiliser le mot Superman, qui à mon avis devait être payant. Et voilà, c'était Superboy, ouais. Tout simplement. Ouais, mais quelque part, c'est licence, quoi. Je veux dire, quand t'exploites un logo ou quelque chose, t'as toujours une licence à payer derrière. Ouais, peut-être pas au niveau du nom. Je veux dire, le nom Superman n'a jamais été dit. Moi, ouais, je trouve Clark ça quand même bizarre. Clark Kent, par exemple. Bon, enfin, bref, est-ce que dans. Ouais, il faut quand même parler des effets spéciaux. Est-ce qu'au niveau des scènes de vol, tout ça, c'était crédible? Ça te paraissait. C'est oubliable. C'était très années 80, où t'avais des scènes d'effets spéciaux oubliables, comme dans Manimal, ou Supercopter, ou Tonnerre Mécanique. C'est ça. On restait sur la même lignée que ces machins-là, mais avec Superman. Ouais, t'avais un écran qui défilait, quoi, derrière, c'est ça. Bah ouais, ou alors on te le montrait pas, on te faisait juste le bruit du mec qui décolle, mais tu le vois pas. Un peu comme dans Lois et Clark. On va passer à Lois et Clark, vu que c'est la prochaine série qu'on aborde. Donc une série de 88 épisodes, diffusée entre 93 et 97, avec Dean Cain dans le rôle de Superman, Terry Hatcher dans le rôle de Lois Lane. Moi j'ai vu quelques épisodes, j'ai trouvé ça un peu kitsch, mais je sais pas pour toi. Moi j'ai vu beaucoup d'épisodes, oui c'est kitsch, hein. Ça on peut pas nier, c'est kitsch. Et tiens justement, ça se rapproche bien des dessins animés du coup de cette série-là. Non pas dans le scénario etc, mais dans le fait que quand Dick Kane est habillé en Superman, il fait un peu gringaler, et quand il est habillé en Clark Kent et qu'on le voit en t-shirt, on dit « Oh, la baraque !» Ouais, il y a un problème aussi de costume. Je pense que Dean Cain, son physique n'est pas très adapté. Moi, je trouve qu'il ressemble pas tellement à Superman, Dean Cain. Pour une question de ressemblance, c'est que c'est aspect kitsch. On a respecté les règles du costume, donc il sait toujours pas mettre son slip dans son pantalon. Bah, il y a quand même une histoire, un fil rouge, etc. Parce que bah, ils arrivent quand même à être ensemble après. Lois et Clark. C'est Lois et Clark, hein, ouais. Les nouvelles aventures de Superman. Mais non, ça reste quand même kitschissime avec faut finir l'épisode absolument au moment où il a commencé, c'est-à-dire que tu feras pas deux épisodes. Bon, il y a eu quelques épisodes où c'est en deux parties. Il y a eu quelques passages intéressants comme la perte de pouvoir de Superman parce qu'il est amnésique ou des trucs comme ça. Bon, ça reste bateau. Oui, il va exploser une météorite et il y arrive pas, il se crache sur la Terre et il devient amnésique. Donc voilà, et puis bah Lois elle embrasse Clark et puis oh bah il se souvient que c'est Superman à cause de ça. Donc tu vois, facilité scénaristique. Oh, ah, c'est à la fois kitschissime, c'est à la fois oubliable et c'est à la fois bien. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion de le re-regarder parce qu'il passe sur la TNT encore, peut-être plus en ce moment, mais peut-être l'année passée. Et ça m'a fait plaisir de revoir certains épisodes. Bah d'autres non, hein. D'autres franchement, on se demande qu'est-ce que ça fout là. C'était correct, mais c'était pas transcendant, faut pas déconner non plus. Mais c'était correct. Ouais, puis au niveau des effets spéciaux, moi j'ai vu quelques scènes de. Les scènes de vol, je trouvais ça ringard, mais à un point. Bah ça reste dans le même acabit que du film, hein. Du film de Christopher Reeves. Ah non, moi je trouvais que c'était pire. Ah non, c'est dans le même acabit. Ah non, parce ah, que. Putain, moi, j'ai... Je pourrais te montrer 2-3 passages de Superman 1 où on voit bien le fond vert derrière, et on en a quelques-uns aussi au niveau de Lois et Clark. Par contre, au niveau des scènes de baston, par exemple dans Superman 2 quand il se bat contre Zod, etc., là elles sont beaucoup mieux tournées dans le film que dans la série. Ah, ouais. Les scènes de baston dans la série, c'est là où on se rend compte que Dean Cain, c'est pas un acteur qui est fait pour faire du physique. Au niveau de son jeu d'acteur, ça va. En même temps, il se prend pas au sérieux et cabotine, mais je pense que c'était dans l'ambiance qu'on lui avait demandé pour Lois et Clark. Ouais, ça fait un peu film un peu série de soap quand même parfois je trouve. Ah oui, littéralement. Bah d'ailleurs, celle qui fait Lois Lane, donc c'est Terry Hatcher. Terry Hatcher a tourné dans Desperate Housewives. Oui. Et son jeu d'acteur est strictement le même que dans Superman. Ah bon, pas d'évolution de ce côté-là. Soit elle a pas d'évolution, soit elle sait faire que ça. Ouais, peut-être que c'est. Il y a des actrices qui sont limitées, effectivement. On va passer à 2001. Et là, c'est la série qui a quand même un petit peu aussi marqué la décennie. C'est Smallville. Alors, Smallville, c'est une série qui a fait rager les fans, mais littéralement. Et pourtant, qui a accumuler les nouveaux fans, on va dire, et ça a engrangé les fans. Série qui était prévue comme Stargate pour 7 saisons, et je sais plus s'il y a eu 10 ou 11 saisons. Là, il y a 218 épisodes. Ouais, c'est ça, donc il doit avoir 10 saisons. Ouais, 10 saisons, ouais. Et donc l'acteur... Tom Welling. Tom Welling. Ouais. Qui a refusé pendant toutes les saisons jusqu'à l'épisode final de porter le costume de Superman, parce que pour lui, c'était pas un Superman, c'est-à-dire c'était un univers parallèle où c'est Smallville et puis c'est tout, quoi. Clark Kent, pas de Superman. Clark Kent ou The Blur, le flou, mais pas de Superman. Il voulait vraiment pas qu'il soit Superman. Il y a pas le costume de Superman, mais je pense qu'il porte un costume noir à un moment. Bah, il a le S sur un manteau, et après, dans les premiers épisodes, il est juste avec les couleurs de Superman, un jean et un pantalon. Un jean et un blouson. Le jean bleu et le pantalon rouge. Ouais, jean bleu et blouson t-shirt, rouge. T-shirt rouge ou blouson rouge, donc le flou, tu vois. Quelques super héros qui apparaissent un peu comme The Flash. Mais par contre, première Aquaman aussi, je crois, non? Ouais, enfin ça c'est bien après. Mais par contre, au niveau des, on va dire, des méchants, c'est la première fois où on nous parle vraiment et où on nous met le terme de méta-humain. On retrouve Lana Lang, Lois Lane beaucoup plus tard, ouais. Chloé Sullivan. Ouais, alors je connais pas du tout ce personnage Chloé Sullivan. Oh, inoubliable. Hein. Après, il y avait Olsen. Voilà. Aussi. Donc c'est vraiment. Au début, je pensais que ça allait être un préquel à Superman. Donc voilà ce qui est arrivé à mon Superman. Mais c'est devenu complètement une histoire à part. Bon, qui traîne en longueur, hein, un peu comme les séries Arrow, The Flash maintenant. Mais c'est devenu vraiment un univers qui a attiré tellement, tellement de fans. Et puis des personnages moins tranchés comme Lex Luthor, qui est à la fois sympathique et à la fois antipathique. Lionel Luthor, que je connaissais personnellement pas. Ou des choses comme ça. Vrai que moi j'étais un peu étonné de la relation entre Clark et Lex, finalement. C'est Michael Razonbone dans la série. Mais c'est pas du tout le Luthor qu'on connaît, quoi, au début dans la série. En fait. Non, parce qu'on a un Luthor très on a un Luthor très manipulateur de la faute de son père. Donc là, c'était quand même bien de nous montrer que il est peut-être manipulateur parce que il était mal élevé entre guillemets. Ouais. Et un très grand copain de Clark. Et c'est parce que Clark lui cache son identité secrète, donc le flou. Et c'est ça qui crée tous les conflits. C'était pas mal. L'idée était bonne. Ouais, ils ont quand même tenu jusque 2011. Et il y a un visuel aussi de la forteresse de Solitude, moi qui m'a rappelé le film à Christopher Reeve. Oui, et puis dans Smallville aussi, on nous a bien montré la GSA. La GSA, ouais, comme tu dis, ouais, avec l'apparition de... Il y a quoi ? Ouais, ils sont à 4 à un moment, c'est ça ? Ouais, il y a Dr. Fate, Hawkman, je suis plus sûr, c'est le Martian Manhunter, mais je pense qu'il arrive après dans la GSA. Oui. Et par exemple, Hawkman, tourné par l'acteur qui a tourné dans Stargate, qui faisait Dr. Jackson. C'est Michael Shanks. Ouais, et ça relevait un peu le niveau. Bon, le costar faisait fake. Hein. Ouais. Mais en même temps, voilà, Shanks, bon jeu d'acteur, etc. Et voilà, c'était pas mal tourné. Ça permettait un peu d'avoir des points de repère au niveau du background. Hein. Je ne sais pas un mot qu'on apprécie beaucoup. Au niveau de l'antériorité, on avait quelques points de repère et ça avait aussi de la nouveauté. Mais par contre, voilà, c'était une série pour ados, hein. C'était pas une série faite pour. Moi, j'avoue que j'ai regardé une saison et j'ai trouvé ça un peu mièvre parfois. Pas le fait qu'il y a une espèce de forteresse de solitude, tout ça, un côté un peu sombre parfois. Il n'y a pas celui qui fait dans Dragon Ball. Oui, il y a un moment, on a l'acteur qui incarne Pike qui joue dans le film. Hein, il joue le rôle de, je dirais, Brainiac. Hein. C'est Brainiac. Ouais, c'est un androïde créé par les Kryptoniens pour semer la zizanie sur la Terre. Je pense que ça doit être Brainiac. James Masters, ouais. Et j'ai l'impression que c'est là-dedans qu'on a un petit peu fourré tous les personnages de la mythologie, quoi, finalement. T'as même Doomsday à un moment. Ouais, on a même Doomsday ou Clark Lanterre sous terre, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est après, un Doomsday un peu spécial, quoi. Bah ouais, beaucoup plus affaibli. C'est pas une mutation d'un humain ou quelque chose comme ça ? Non, c'est bien un truc kryptonien, parce qu'à un moment, il le tue avec de la kryptonite et il revient à la vie, donc il craint plus la kryptonite. D'accord. Bah, Smallville, voilà, c'était à la fois une bonne série, je pense, vu les audiences qu'elle a fait, je pense que ça devait être une bonne série. Mais c'était un peu les frères Scott avec Superman, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'histoires amoureuses et je t'aime et je t'aime plus, etc. C'est quelque chose, moi, qui m'a un peu plus gêné, mais peut-être parce que je suis plus bourrin et au niveau des actions, quoi. Bah, c'est peut-être pas une série qui te parle non plus. Je veux dire, si c'est orienté à l'adolescence, c'est un peu comme toutes ces séries. Je pense à Cali Cigarette ou Roswell, par exemple, à une période. C'était des séries un peu mièvres, ou ados, quoi, dans les lycées, tout ça, tu sais. Enfin, tout ce que je veux dire, quoi. Oui, c'est tout à fait. De la série pour teenager, quoi, finalement. Voilà, c'est pas, on n'est pas le public visé. Un peu comme Runaways maintenant. C'est exactement, je pensais à Runaways en plus. 2011, on va faire un petit saut jusqu'en 2015, et là on va aborder la série, la première série spin-off, c'est la série Supergirl. Alors je l'ai mis parce que Superman apparaît dans la deuxième saison. Ouais, Superman apparaît. Donc là, dans la série Supergirl, elle se perd au niveau spatial, parce que normalement elle est partie avant Kal-El pour préparer le terrain. Ouais. C'est-à-dire elle devait le protéger. Elle se perd dans l'espace. Facilité scénaristique, ta gueule, c'est magique. Et du coup, elle arrive largement après son cousin. C'est donc, elle se retrouve dans le rôle inverse. C'est-à-dire que c'est son cousin qui va devoir. Qui va devoir. Non, il va pas la protéger parce qu'on le voit que deux ou trois épisodes. C'est une série très inégale, Supergirl. Les crossovers sont vraiment bien faits parce que du coup, c'est des spin-offs de Arrow, hein, en fait, Supergirl. Il faut dire au début que c'est une série produite par Greg Berlanti. Et Berlanti, c'est quoi ? C'est les productions CW, c'est Arrow, c'est Flash, c'est Supergirl. Et il y a aussi Legend of Tomorrow. Oui, Black Lightning. Aussi, donc il n'est pas terrible, il paraît, mais bon. Ah, pas, il paraît. Je vous conseille d'aller le voir, il est hors de question que je me fasse chier tout seul. D'accord. Donc, Berlanti, il applique toujours la même sauce, en fait. Et malheureusement, c'est parce qu'on lui demande de faire la même sauce. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il serait faire autre chose. Quand tu prends des épisodes de Arrow, enfin, on va dire, des ambiances de Arrow, des ambiances de The Flash, des ambiances de Supergirl, t'as l'impression d'un copier-coller. Et quand tu regardes la première saison de Legend of Tomorrow, tu le sens bien qu'ils n'ont pas eu le budget. Il y a des épisodes, t'as l'impression de regarder un très mauvais Doctor Who, quoi. C'est... Ouais, bah... On est dans le Z, quoi. Ah ouais, ouais, série Z à fond. Facilité scénaristique à fond, voilà, quoi. C'est... Et puis après, on essaye de raccrocher les wagons avec les univers. Ouais, des choses choquantes, quand même, à ce niveau-là. En même temps, Arrow a très bien marché, et de l'aveu même du réalisateur, il s'y attendait pas. Donc c'est vrai qu'après, ils se sont dit, bah, il y a du blé à faire, on va faire The Flash. Pareil, il y a eu acheté, il y a eu du bon hein, dans The Flash, à part que les paradoxes sont traités en deux ou trois épisodes, donc forcément, on est un peu lâché. Et après, Supergirl qui fonce dans le même truc, et mis à part le Martian Manhunter ou des personnages secondaires pour relever le niveau, comme Red Tornado ou des trucs comme ça, on n'arrive pas à accrocher. Moi, j'arrive pas à accrocher. Et encore une fois, je pense que je suis pas la cible. Je suis trop vieux pour être la cible de ce genre de truc. Ouais, je crois que c'est prévu pour, pour une catégorie d'âge. Bon, le Superman, un nouveau costume qui est pas terrible non plus, hein, faut l'avouer. Hein. Un croisement entre Man of Steel et les vieux costumes. Enfin, il a perdu son slip, mais... Ouais, c'est juste le côté. Mais c'est vrai que c'est fait bizarre comme costume. Ouais. Bon, après, voilà, c'est une terre parallèle, hein, vu que c'est dans The Flash, comment il s'appelle, Cisco Ramon, qui est capable d'aller dans toutes les terres. Donc, voilà, c'est des terres parallèles. Par contre, ce qui est bien, quand tu regardes, par exemple, Arrow et Supergirl, c'est que Arrow est très sombre, hein, à la limite d'un Batman. Hein, c'est un univers sombre. Ouais, un c'est peu. Enfin, c'est Starling City, mais on a l'impression de voir Gotham. Quand tu regardes Supergirl, c'est vraiment très clair, très lumineux et très, très espoir. Ouais, et puis bon, moi, celle qui fait Supergirl, bon, ouais, elle est bien dans son rôle. Je la trouve un peu nunuche des fois et un peu excessive dans ses réactions. Moi, j'ai vu 2-3 épisodes et je trouve qu'il y a une énorme différence. Enfin, en fait, elle veut un peu copier son cousin, mais je trouve que ça marche pas terrible. Et après, il y a encore des histoires amoureuses, et puis, etc. En plus, elle met des lunettes et puis elle la reconnaît pas. Ah, ben, comme son cousin. Hein. Apparemment, ouais. Quand t'es kryptonien, si tu veux passer inaperçu, tu mets des lunettes. Apparemment, ouais, ça marche bien, même je préfère enterrer. Mais bon, parce que c'est hyper nunuche quand tu vois que... Je crois que c'est pas une série qui me parle, c'est tout. Bah moi j'ai réussi un peu, alors vraiment un peu, là j'ai complètement décroché, accroché à The Flash dans les premières saisons, ça a apporté quelque chose d'un peu mieux. Par contre Arrow, j'ai pas réussi. Supergirl, j'ai lâché le truc, et Legend of Tomorrow, alors là j'ai vu un ou deux épisodes, je me suis contenté des Crisis of Infinite Earth, c'est tout quoi. Ouais, parce que Legend of Tomorrow, il paraît que c'est insupportable des fois. Hein. Et c'est, tu te dis, ils ont pas eu le budget, et ça se voit, et le pire c'est que quand tu veux faire des vaisseaux spatiaux et des voyageurs temporels, si t'as pas le budget, il faut avoir une intelligence à la Russell T. Davis, sinon tu t'en sors pas. Voilà quoi, ce qu'on pouvait dire des séries. Et puis il y a une toute dernière qui est en cours là, qui a commencé en 2018, c'est Krypton. Alors là il n'y a pas du tout de Superman, mais il y a le grand-père de Superman qui est Segel et qui se bat justement pour un peu rétablir le nom des L qui sont considérés comme des parias. Et là il y a l'arrivée de Brainiac qui au début je trouvais que cette série est un peu bavarde, et je trouve que la tension augmente au fur et à mesure des épisodes, et vraiment quand la série se termine, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer au suivant. Et ça, je trouve que c'est très positif quand on regarde une série. On a des décors qui se répètent beaucoup, il y a des extérieurs qui sont assez moyens, mais pas trop non plus ratés par rapport à d'autres productions de ouais, séries. Comme Inhumans. Mais Inhumans, c'était quand même pire. Mais moi, on est au 7e épisode et j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment hâte de terminer cette série pour savoir ce que ça va devenir, s'il va y avoir une seconde saison. En tout cas, il y a pas mal de clins d'œil à Superman, il y a Adam Strange aussi comme personnage, et on retrouve aussi pas mal de nouveaux personnages. Et pour une fois, ça nous place dans... de perspective pour voir ce qui s'est passé avant la naissance de Kal-El, tout l'embroglio politique qu'il y a eu autour de toutes les différentes maisons de Krypton, et je trouve que c'est un côté très intéressant qui ressort. Et est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire de Superman ou pas? Bah, je sais pas, parce que si le Krypton, c'est un peu le problème aussi de Krypton, c'est que il y a pas vraiment d'arc défini pour Krypton en fait. Là c'est peut-être, ça peut être un, est-ce qu'ils vont réussir leur mission, est-ce qu'ils vont pas réussir, est-ce que s'ils réussissent pas, ça va avoir des incidences sur le futur. On ne sait pas en fait, c'est ça le principe de la série, c'est-à-dire que tel départ, bon, de toute façon on le sait dès le premier départ, c'est qu'il y a une espèce de voyage dans le temps qui font que il y a un danger potentiel qui s'amène vers la planète. C'est Brainiac bien sûr, de toute façon c'est dans le premier épisode donc c'est pas un spoil, mais il y a des enjeux qui sont dessinés, qui prennent racine et tout, et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et on va conclure sur cette partie série. On va aborder la dernière partie de notre gros dossier, et pas des moindres, vu que c'est la partie cinéma. Ah, c'est sûr, là on va attaquer la partie cinéma, parce que c'est la partie la plus récente à traiter, aussi, avec les derniers films qui sont sortis. Par contre, ça va être dur d'attaquer cette partie sans être redondant sur tout ce qu'on a déjà dit avant. Ouais, parce qu'on a précisé qu'on a parlé un petit peu de Batman vs Superman, Justice League, un peu des films de super-héros de Christopher Reeve. On va un peu décrire le processus des création des films et tout ça, et même les projets abandonnés entre deux. À commencer par le premier film vraiment qu'on peut retenir, c'est Superman and the Mole Men, traduit Superman et les Nains de l'Enfer. En fait, ce film est un pilote pour la série dont on parlait tout à l'heure, avec George Reeves. Et là, il affronte des espèces d'hommes top qui sortent de la Terre. Et on pense que ce sont des méchants, mais en fait, non. Ce sont des nains qui sont ils sont un peu rejetés par les humains, et ils sont même agressés par les humains. Et Superman, justement, il y a un message de tolérance dans ce film, c'est-à-dire que Superman protège les faibles. Maintenant, on ne peut pas reprocher non plus une certaine kitscherie dans les costumes, tout ça, mais... Bon, en même temps, c'est obligé d'être kitsch, hein. Ouais. 1951, voilà, on ne va pas s'attendre à un truc super grandi. Comme on voit maintenant. Ouais, voilà. Donc le long métrage fait 58 minutes. En ce temps-là, c'était quand même. Au prix de la pellicule, ouais. À l'époque, ouais, c'était quand même c'était pas mal. Presque une heure, donc. Surtout pour un pilote. C'est ça. Maintenant, c'est la durée d'un pilote moyen, 58 minutes. Hein. On peut même arriver jusqu'à des pilotes d'une heure et demie. Ouais, ouais, c'est ça. Avec double épisode, un style Star Trek Discovery. Et ensuite, entre 51 et 78, il n'y a pas eu de film. Donc c'était beaucoup les CAI. Ouais, beaucoup de séries, beaucoup d'animations. Puis c'était pas quelque chose qui était en demande non plus. Hein. Non. C'était les super-héros. Ouais, fallait être un geek ou un nerd hein, pour aimer ça. Donc le grand public, c'était pas spécialement visé par ça. Il faut dire que de produire un film au cinéma, ça coûte un certain budget. Il faut des décors, il faut les animations, enfin les effets spéciaux qui ont un maximum de crédibilité. En plus, les effets spéciaux à l'époque, faut bien voir. Maintenant, les effets spéciaux, on peut en faire dans une web fanfic. Hein. C'est-à-dire que c'est assez facile à faire. Enfin, je ne ferais pas le faire, mais bon. Et si on prend à l'époque, les effets spéciaux, il fallait se creuser la tête, il ouais. fallait avoir beaucoup d'imagination. Il n'y avait pas de numérique, quoi. Il n'y avait pas de numérique, hein, c'était vraiment... Il n'y avait pas de retouche, quoi. Et puis c'était du jeu d'acteur. Là, il fallait que l'acteur y s'y croit, sinon personne n'y croyait. Il soit super crédible, parce que sinon... Mais pour dire que je pense que c'est aussi, c'est encore une fois l'année 77 qui a un peu déterminé l'arrivée de Superman sur le grand écran. On a eu cette vague de... Le film a effet spéciaux avec Star Wars. Donc en 78, on a l'apparition du Superman, le film, de Richard Donner, avec Christopher Reeve, cet acteur complètement inconnu, qui a fait beaucoup de muscles pour hériter du rôle. Donc un film avec beaucoup de beaux effets spéciaux sur fond bleu qui sont assez réussis pour moi, pour l'époque. Pour l'époque, c'était une excellente utilisation du blue screen. Et puis aussi, les scènes sur Krypton sont très réussies aussi, je pense. Notamment les scènes à l'intérieur où on voit Jor-El qui bannit littéralement Zod et ses compagnons dans la zone fantôme. Ouais, c'était très bien réalisé pour l'époque. Hein. Même avec ce miroir qui tourne dans l'espace, c'est assez flippant. Hein. Ouais, c'était super bien. Il y avait une bonne ambiance, je trouve, au début sur Krypton. Ensuite, t'as toute une espèce de parcours épique de l'arrivée de Kal-El sur Terre, dans la ferme des Kent, avec cette espèce de vaisseau, et on le voit soulever la Jeep. Voilà, il est tout jeune, tout bébé. Ouais. Enfin, pas bébé, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire tourner des bébés à l'époque. Mais voilà, puis ouais, il soulève le vieux taco pour changer la roue. Tranquille, Emile. Ça, c'est déjà extraordinaire, on va dire, comme scène. Et ensuite, il se met à courir aussi vite qu'un train. Donc, c'est un rappel au dessin animé de 41. Là, il vole pas encore à ce niveau-là. Non, dans le film, il a quand même un apprentissage. Hein. C'est-à-dire qu'il doit quitter la ferme pour apprendre à voler. Et ensuite, il arrive dans cette forteresse de solitude, dans le Grand Nord, où il balance une espèce de cristal qui contient toute la science de Krypton, apparemment. Et il y a cette espèce de. Elle est assez impressionnante, cette scène où il y a la forteresse qui sort de. Je trouve que c'est super bien fait au niveau effets spéciaux. Visuellement, ça rend vraiment... C'est presque magique, quoi, je veux dire, à l'écran. Quand il rentre dans cette forteresse, on sent on est dans l'ambiance kryptonienne, quoi. Il y a Marlon Brando qui incarne Jor-El. Et là, il y a une espèce de fantôme et on voyage à travers l'espace. Et c'est très bien fait, je trouve, parce que t'as une transition qui est spatiale. C'est-à-dire qu'au début, t'as le jeune Clark qui arrive en blouson, avec son blouson à rayures. Et puis, quand on sort du voyage spatial, on se rend compte qu'il y a plusieurs années qui sont passées. Et là, il prend son envol et on le voit... aller s'envoler vers Métropolis, en fait. Voilà, il quitte l'adolescence pour devenir un homme. C'est ça. Et c'est là qu'il commence à faire ses premières armes, qu'apparaît Christopher Reeve, accompagné de Lois Lane, qui est joué par Margot Kidder. Il y a le sauvetage de l'hélicoptère, qui est vraiment aussi impressionnant. C'est la scène du film. Ça, c'est la scène culte aussi, où Superman est révélé, quoi. On voit qu'il tourne, très vite dans une espèce de porte virevoltante, et puis il se change, et puis t'as le mec qui dit « Ouais, il est chouette ton costume, ah, excusez-moi. » Et puis il décolle, le mec, on voit it's a plane, ouais, c'est Superman, quoi. C'est vraiment Superman, Christopher Reeve, quoi. La prestance, on voit que l'acteur a vraiment pris le rôle sérieusement, il incarne Superman pour moi. Et les moments où l'acteur fait un peu kitsch, c'est ouais. quand il joue Clark Kent. Mais c'est un peu fait exprès, hein. Littéralement, ouais, parce ouais. qu'il se transforme en Clark Kent. Hein, ouais. C'est-à-dire que, bah, voilà, Superman est, quand il est en Clark Kent, maladroit, pathétique, et pour autant, quand même Superman, parce qu'il arrête des balles, et il fait, oh mon dieu, je suis touché, et puis il fait, ah, bah non, il y a du visé à côté. Donc tu vois, il y a quand même un ouais. bon décalage qui est quand même agréable dans ce film. Je pense à cette scène où il y a une espèce de cambrioleur qui est dans l'allée, là, avec, il arrête la balle qui est destinée à Lois. Ouais, c'était pas trop mal fait aussi, ça. Et ensuite, t'as l'apparition de Luthor, quoi, qui est incarné par Gene Hackman, qui vraiment génial quoi. Alors moi je trouve qu'il cabotine à mort, mais ouais, sinon mais, il est c'est un je trouve que c'est pas le Luthor qu'on a l'habitude de voir parce que ils ont fait un Luthor qui est moins sombre que dans le comics. Ouais, il est un peu plus bouffon, ouais. Ouais, mais il est quand même diabolique quoi quelque part. Ouais, il est diabolique, c'est Luthor, mais moi je trouve qu'il est pas au Luthor du personnage. Ouais. Littéralement. Mais moi j'aime bien Gene Hackman, j'aime bien l'acteur donc c'est pour ça que je suis peut-être plus indirecto. Si c'est vrai qu'il est accompagné d'un personnage qui est assez d'un gros personnage qui lui est vraiment un bouffon quoi avec l'espèce de blondinette un peu caricaturale aussi. Ah ouais, bah on sait bien qu'on est dans les années 80. Ouais, ouais, parce ouais. que ouh, ah, la blondinette et le mec qui aime bien bouffer, le petit gros qui fait ouais, des conneries. Quoi. Il est entouré d'une quête de deuxième énergumène, quoi, finalement. Ah, une belle équipe de braquets, ouais, c'est vrai. Ça. Ça, c'est du comic relief, hein, fallait ouais. faire un peu d'humour aussi. Ouais, c'est ça, il faut atténuer un peu le sérieux du personnage de Superman, contrebalancé par le cabotinage de Gene Hackman dans le film. Ce que je veux dire aussi, c'est que il y a quand même des scènes qui sont impressionnantes niveau effets spéciaux. Je pense à la séquence finale quoi avec les missiles où la terre tremble où Superman il est sur le pont de San Francisco, il ramène un bus par exemple, ouais, où il fait la jonction entre deux rails de chemin de fer. C'est ça, il y a aussi celle-là, c'est vraiment une photo qui nous reste en mémoire. Et il y a aussi la scène où carrément il remonte, il y a la faille de San Andreas. Attention, c'est pas John Johnson, mais c'est un peu l'équivalent. Il raccorde les failles entre elles. Je sais pas si tu te souviens quand il a cette scène sous terre là. si je m'en souviens. Et pendant qu'il fait tout ça, t'as Lois Lane qui est en train d'être écrabouillé ouais. De son côté. Et donc, le film finit, on va dire, sur la mort de Lois, hein, c'est assez triste comme moment. Et lui, il supporte pas ça, et puis du coup, d'ailleurs, c'est pas très crédible hein, quand tu vois cette scène. On peut en discuter sur toute crédibilité de certaines scènes dans ce film, mais quand il fait tourner la terre à l'envers, c'est l'une des scènes cultes du film aussi. Ensuite, il revient. Ouais, tout d'un coup, il n'y a plus de catastrophe, il n'y a plus rien. Oui, il remonte le temps, un peu comme Flash, ça. Il traverse le mur, on va dire, le tunnel de la Speed Force. Mais sauf que là c'est pas la Speed Force, il remonte le temps et il revient en arrière. Donc voilà quoi, c'était un premier montage de Richard Donner. Et Richard Donner avait essayé de quasiment pas que finir le tournage du 2, parce que le tournage du 1 et du 2 ils étaient un petit peu simultanés, si tu veux. Ah, c'était une suite directe, hein, le numéro 2, donc Superman 2 de 80. Ouais, c'est une suite directe, hein, mêmes acteurs, même méchant qui était emprisonné dans le premier, et qu'on se dit pourquoi avec le recul, pourquoi ils reviennent pas ceux-là. Et en fait non, c'était juste pour nous montrer Superman et puis après avoir des ennemis à sa taille quand même. Donc Richard Donner avait tourné les plans du 2, et en fait il y a eu un désaccord avec les producteurs qui sont Alexander Ilias Alkin, dont j'ai parlé tout à l'heure avec la série Superboy. Ça n'a pas marché, donc ils ont commis Richard Lester pour faire en fait les scènes supplémentaires, dont la fameuse scène de l'ascenseur dans Paris quoi, où il jette l'ascenseur, ce qui entraîne la libération des trois vilains de Krypton. Donc cette scène qui est assez impressionnante aussi, hein, faut avouer. Mais bon, il y a un truc qui me chiffonne, c'est il pose une bombe nucléaire dans un ascenseur. Ah tiens, en France, on n'est pas très doué pour la sécurité, apparemment. Et puis une bombe nucléaire, ça va, ça se transporte. Donc il est obligé de la balancer dans l'espace, quoi. Voilà, il la balance dans l'espace pour s'en débarrasser, et puis bon... Puis bon, il y a les espèces de... Oh, c'est mal fait, là, par contre, les espèces d'ondes de l'explosion de la bombe. Ouais, qui permet de libérer Zod et ses compagnons. Ouais, ils sont libérés de la zone fantôme, mais les autres Les autres, non, c'est bon, ta gueule, c'est magique. Non mais voilà, c'est un petit écart de scénario, mais en même temps, je sais pas si ça aurait été bien de faire tout un pataquès juste avant, quoi. Parce que ce qu'on voulait nous montrer, c'est que t'es responsable de sauver des gens, mais aussi t'es responsable de sa propre menace. Donc c'est pour ça, quoi. Ouais, c'est sûr. En même temps, c'est les années 80, hein, le scénario, c'est pas ce qui comptait. Il fallait du grandiloquent, des effets spéciaux et des scènes d'action. J'ai l'impression que le premier était quand même plus abouti que celui du 2, mais le premier est toujours plus abouti. Ouais. Il y avait un côté épique que j'aime bien, c'est que vraiment on suit le parcours de Kal-El de A jusqu'à Z dans le premier, et dans ce deuxième, c'est un peu plus faiblard, je trouve. Non, dans ce deuxième, on suit le parcours de Clark Kent, qui voudrait bien être normal comme tout le monde, mais qui peut pas parce qu'il a des grandes responsabilités, parce qu'apparemment il doit avoir un grand pouvoir. Bon, enfin, il n'y a pas le Spider-Man, c'est pour ça. Mais il y a cette scène assez marquante où en fait il rentre dans le bar et puis il croit qu'il peut encore battre quelqu'un de costaud, et puis il y a le routier qui finalement lui fout deux trois patates et il se retrouve à terre, quoi. Et c'est là qu'il apprend la souffrance, quoi. Ouais, apparemment ça a l'air de lui aller, sauf que bah voilà, il arrive Zod et puis là il a plus le choix, il prend ses responsabilités de Kal-El et puis il décide de retourner à sa forteresse pour récupérer ses pouvoirs. Et là il y a une grosse ellipse parce qu'on sait pas comment il récupère ses pouvoirs en fait. On le voit faire du stop et tout, on le voit geler à pied jusqu'à la forteresse de Solitude. Ouais, jusque c'est crédible ça. Surtout sans ses pouvoirs. Hein, ouais, il y a un problème, il y a une grosse ellipse là. Bah après c'est pour te montrer voilà le parcours christianique, hein, c'est-à-dire son chemin de croix pour retrouver aussi vite. Bah après, ça me rappelle, tu on sais, peut pas faire des films de 8 heures non plus. Hein. Bruce Wayne qui revient à Gotham. Ouais, son dos est réparé. Ouais. C'est ouais, ça fait penser à ça. Ouais. Mais bon, c'est... Dans les années 80, moi je trouve ça pardonnable. Hein. Ce qu'il fallait, c'était des scènes d'action. Non, on pouvait pas. Comme tu dis, tu pardonnes les erreurs de scénario. Il arrive dans le truc, il trouve le cristal et puis tout va bien. Quoi. Voilà, et puis on n'a pas le temps surtout. C'est-à-dire on n'a pas le temps, faut que... parce que Zod est arrivé sur Terre, il a mis à genoux le président, voilà. Il a commencé à souffler partout, à foutre le bordel. D'ailleurs, il y a des scènes qui sont assez comiques dans le... avec la voiture de police, par exemple, où il y a l'espèce de nonne qui est un petit peu attardée, quoi, le grand balèze, barbu. Ou bien il y a Ursa aussi, la femme, la bonne femme qui souffle sur un hélicoptère pour le faire dégager. Mais là, c'est vrai que c'est Zod, le grand... Mais il y a un côté aussi parodique, hein, quelque part, chez Zod. C'est très méchant des années 80. Ouais. Hein. Rien que dans la coiffure. Le gros balèze, c'est un débile. la femme, c'est un faire-valoir au général Zod, et le général Zod c'est l'antéchrist, quoi, voilà. Et puis il y a le côté, bon, Zod quand il voit Non faire des conneries, ben il lève les yeux au ciel, quoi, carrément. Bien il est complètement mégalomane dans ce film là, hein. De toute façon c'est tout le monde doit s'agenouiller. On s'agenouille devant Zod. Il est effrayant comme vilain, mais il a un petit peu aussi un côté un peu parodique, quoi, quelque part. Ouais, voilà, c'est scénario des années 80, une fois je me répète, mais c'est pas, je pense pas qu'à l'époque on s'attardait plus sur des détails que ça. Il fallait un scénario, il fallait une scène d'action, il fallait une début, un milieu, une fin, et puis voilà. Il fallait vraiment une grande scène d'action, parce que celle qu'on retient surtout, c'est l'affrontement de Zod et des trois contre Superman dans les rues de Métropolis. Puis à la fin, dans la forteresse de Solitude aussi ouais. Qui est très mal réalisé d'ailleurs. Au niveau visuel, c'est moche. Ça fait fake. Ils sont un peu bizarres. Ça fait très fake. Quand il balance son espèce de logo qui grossit, tu t'en souviens de ça? Oui, je m'en souviens. Ça fait bizarre, je trouve. Puis ça fait Deus Ex Machina. Ça fait, ta gueule, c'est magique. On sait pas d'où ça sort, quoi. Bon, après, il arrive à les confondre avec en inversant une espèce de polarité, j'ai pas bien compris, mais si j'ai compris, mais est-ce que dans la réalité ça marcherait, je ne sais pas. Mais dans cette scène là où il y a beaucoup de moyens, dans cette scène où tout vole, tous les camions ils volent, ils gèlent même un camion au moment qui la scène avec le camion réfrigéré là, ou bien ils passent à travers les pubs. Ah, il y a Coca-Cola, on le voit bien, hein. Ah, les placements de produits, on savait bien faire dans les années 80. Et Michael Bay, je crois qu'il a dû prendre de l'exemple sur ça, mais ça s'est réussi au niveau que cette scène-là, c'est la plus réussie des quatre films. Mais c'est un bon divertissement dans l'ensemble. Je trouve que c'est une bonne suite. Je sais pas pour toi. Bah, c'est une suite directe. Bonne, je sais pas, mais c'est une suite directe. C'était prévu dans le premier. Quand on a vu le 2, on n'a pas eu de surprise. Voilà, quoi. Puis ça a moins péché au niveau du scénario que dans Superman 3. Mais avant de parler de Superman 3, je voudrais te parler parce que il y a la Superman 2 Donner's Cut qui est sorti. C'est un Director's Cut, hein. Et c'est Richard Donner, en fait, qui, suite à une pétition de fans, qui voulait voir justement le montage de Richard Donner. Et dans cette scène-là, on a un remontage qui modifie un peu l'histoire. C'est celle-là que tu devrais voir. On modifie un peu l'histoire, c'est-à-dire que l'ascenseur n'est plus responsable de la libération. Ouais, de la libération de la zone fantôme. En fait, à la fin du 2, il y a c'est plus crédible au niveau de la mémoire de Lois Lane, si tu veux. Il tourne autour de la Terre. On voit la scène du 2, si tu veux, du premier, à la fin du 2, et il remet tous les événements pour faire oublier à Loïs qu'il est Superman, en fait. Et il y a aussi cette scène étendue avec Marlon Brando, Jor-El, où justement on nous explique comment il retrouve tous ses pouvoirs dans la forteresse de Solitude. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus de profondeur dans certaines scènes de la forteresse de Solitude, dont une conversation où Superman discutait avec son père. Son père lui dit bah oui, mais tu es là pour protéger la race humaine et tout. Il dit oui, mais moi je ne peux pas vivre normalement. Il s'oppose carrément à son père, et ce qui amène à la décision de perdre ses pouvoirs, en fait. Ce montage là est bien plus intéressant sur le plan d'histoire que le Superman 2 de la version cinéma. Si tu veux, on va aborder Superman les mauvaises suites, entre guillemets. Bah, par exemple, Superman 3, ouais. Bah, ça reste divertissant, c'est tout. C'est un Superman divertissant avec des acteurs qui cabotinent à mort là, par contre, complètement, encore pire que dans le 2. Même Voilà, qu'il n'y a pas grand chose à retenir de ce film. Sauf, moi j'ai trouvé le combat entre Clark et Superman. Alors, ça c'est la scène marquante du film. Faut rappeler un peu le contexte, c'est que t'as Richard Pryor qui incarne un mec qui apparemment a des pouvoirs pour manipuler l'informatique. Ouais, un génie de l'informatique. Hein. À l'époque, on croyait qu'avec l'informatique, on faisait tout. C'est un génie, je pense que c'est plus une aptitude. Non, c'est pas un méta-humain. Hein. C'est-à-dire que c'est un débile, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un nerd de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il sait tout faire avec un ordinateur. Ouais. Et voilà quoi. Donc il est embauché par une espèce d'industriel du pétrole qui est incarné par Robert Vaughn qu'on a vu dans la série Les Agents Très Spéciaux par exemple. Et c'est vrai que tout est mauvais dans ce film. Il y a cette scène complètement ridicule où il descend d'un immeuble avec des skis. Bah, on se demande même ce que ça fout là. Hein. Ouais, c'est. Il y a trop de scènes décalées par rapport au personnage de Superman, je trouve. Ouais, bon, le seul avantage dans ce film, c'est qu'on nous montre un peu la kryptonite, qui a même le même pouvoir que la kryptonite rouge, hein, c'est-à-dire faire splitter Superman. Non, le seul truc à retenir, c'est la scène. C'est le combat intérieur. Le combat intérieur entre Cal et Clark, et puis voilà, il n'y a pas grand chose à retenir de ce film en fait. Ouais, il y a un côté combat intérieur, et c'est vraiment intéressant parce que là, on voit que Christopher Reeve s'est adapté son jeu pour être aussi quelqu'un de corrompu, de vilain et de vicieux, c'est voir, parce qu'il est vraiment détestable hein, quand il est. On voit même qu'il commence à avoir de la barbe. Ouais, il se néglige. Il y a son costume qui est complètement. Il fait un peu penser à Bizarro des fois. Hein. Ouais, un peu crado, voilà quoi. Puis... Ouais, il est terni, il est complètement corrompu, et il se bat contre lui-même, et finalement, il remporte la victoire. Hein. Le bon s'en l'emporte sur le mal, et il y a même une espèce de clin d'œil à une console Atari, même à un moment, on le voit en pixel. Ah ouais, alors cette scène-là, à un moment, on voit donc Superman en train de voler, donc ils sont en train de l'observer via des caméras, et il est complètement pixelisé, et c'est une pub pour un jeu vidéo. Et il balance un missile, quoi. Ah, il balance un missile, puis t'entends bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, on a l'impression de regarder un Pac-Man, ou je sais pas quoi. C'est le clin d'œil au gamer, quoi. Ah, littéralement, clin d'œil aux jeux vidéo de ces années-là, quoi. Puis après, il y a une espèce de grosse machine, il y a un Roland de métallo, un petit peu, j'ai l'impression, avec la bonne femme qui se fait aspirer là. Un Roland Brainiac métallo, ouais, c'est un peu tout mélangé, cyborg, balance des missiles, il y a la kryptonite qui sort du, ouais, un rayon à kryptonite, l'ordinateur devient autonome, l'électricité, enfin un peu de tout quoi. Enfin, on parle dans le débile, mais je veux dire, ça reste c'est quand même je veux dire, si on aborde le 4, ça reste quand même un cran au-dessus du 4 hein, quand même. Alors oui, il n'y a pas eu de Superman 4 hein, alors Superman 4, c'est le sous-titré en français, le face-à-face. On va être un peu non expansif sur Superman 4, parce que moi je vous propose une bonne petite partie à part sur un Superman 4 dans la catégorie des nanars, comme on fait d'habitude. Donc Superman 4, film qui aurait jamais dû voir le jour, ou alors pas du tout dans ce montage-là. Des acteurs qui sont pas crédibles une seconde. L'homme nucléaire, ou je sais même pas comment il s'appelle. Carman, ouais. Et c'est quoi cet acteur, un acteur est-allemand, des scènes de baston, enfin, je veux dire, My Little Pony c'était encore mieux tourné quoi, non mais c'est n'importe quoi, la muraille de Chine où on fait CTRL Z, elle se reconstruit. Alors je pense qu'il va falloir un épisode complet sur Superman 4 parce que techniquement c'est le Superman de trop quoi. Ouais, c'est le Superman de trop parce que de toute façon, les frères Salkind avaient abandonné les droits à la Canon, et la Canon c'était super opportuniste, et la Canon c'est des productions fauchées en général, et c'est plein de films un peu ringards des fois, un peu 80s on va dire, et là c'est foireux parce que les fonds sont horribles, il y a des scènes de vol qui sont vraiment mal foutues quoi. Il arrive à porter la Statue de Liberté par le bout de l'épingle, il y a rien qui se passe. C'est la gueule. Encore pire que dans Ghostbusters 2, je veux dire. Mais c'est incroyable les défauts de ce film, mais comment ils ont pu laisser ça? Enfin, je veux dire, c'est une volonté de faire du cash vite fait, bien fait, quoi. Enfin, bien fait, non, vite fait, tout court. Et puis, il y a plein de scènes qui manquent. Et puis, de toute façon, heureusement qu'ils ont supprimé le premier homme nucléaire parce que c'était une catastrophe. On le voit dans les scènes coupées. Bah ouais, Nuclear Man qui grogne, qui. Et puis, j'ai bien aimé. Bon, tu mentionnes aussi la fameuse scène de la muraille de Chine. Vraiment, c'est vraiment le truc fauché, quoi, qu'il faut pas voir. Ah, mais ça fait littéralement, on a plus de blé. Rembobine, c'est pas grave, on dira que c'est un super pouvoir. C'est vrai que c'est simplement une image qui a été mise en retour arrière. Ah ouais, littéralement. Ouais. On a l'impression de regarder un mélange entre Tetris, Lego et Lego. Je sais pas quoi. C'est The Movie, là, je sais plus quoi. Pixel, tu sais, le film Pixel. Ah ouais, on dirait ça. Ouais. Et donc, moi, ce que je vais signaler aussi, c'est la bonne femme qui respire dans l'espace, quoi. Ah ouais, là on peut respirer dans l'espace. Et il ouvre quand même une capsule spatiale dans l'espace et il discute avec les bonhommes qui sont pas aspirés par le vide spatial. Ouais, mais ils sont en orbite autour de la Terre, c'est différent, non? On demandera. Non, bon, je propose de demander à Thomas Pesquet, si on ouvre dans l'espace, est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, mais bon, non. C'est quand même une bonne partie de rigolade, ce film. Alors, c'est un nanar colossal. Mais complètement. Colossal. Non, mais même Christopher Reeve, je crois qu'il est même pas convaincu par ce qu'il fait, quoi. Ah, mais je crois, mais enfin, je suis désolé, il y a un moment sur certaines scènes, on lit sur sa tronche qui est blasée. Sans merde. Ah ouais, littéralement. Hein. Et du coup, dans la lignée, du coup, après, il y a Steel, le justicier d'acier. Ah ouais. Que tu m'as fait regarder il y a très peu de temps. Bah ouais, mais bon, il fallait bien souffrir. Moi, je voulais pas souffrir tout seul, tu comprends bien. Ouais, donc tu me dois à peu près 2 heures. Alors, je sais même pas ce qu'il vient foutre dans la série des Superman, ce film. Bah en fait, Steel, je crois que c'est un film qui a été fait pour l'ego de Shaquille O'Neal, qui était un grand basketteur, un petit peu dans le style de Michael Jordan. On parlait tout à l'heure de la mort de Superman, et Steel, en fait, c'est l'un des 4 Superman un peu imposteurs c'est-à-dire que John Henry Irons, c'est un ouvrier qui a été sauvé par Superman lors du combat contre Doomsday, et là, bah, il n'y a pas du tout le même passif, hein, Non, là, il était militaire, ouais. Une expérience qui tourne mal, parce qu'il y a un connard qui veut dérégler la machine, l'avoir à sa pleine puissance. Alors l'autre, la nénette, elle se retrouve paralysée, alors du coup, elle crée une armure pour lui, parce qu'elle a confiance apparemment en lui. Mm-hmm. L'armure, c'est un peu dans les mêmes acabits que les méchants dans Bioman. C'est totalement fake, totalement pourri. Shaquille O'Neal, c'est pas un acteur, donc déjà, c'est mal barré. De toute façon, quand il sourit, il veut pas non plus lui faire du tort. Il y a aucune conviction d'acteur là-dedans. Puis en plus, le scénario, c'est ce qu'il y a de plus basique, très... Bah, tu sais comment que ça va se terminer, quoi. Ah ouais, littéralement, hein. Puis après, c'est une heure et demie, on va vite fait emballer, quoi. Ouais, vite fait emballer, scène d'action, scénario, on verra ça si on en trouve un. Voilà, c'est... Avec non. Le méchant complètement ridicule, on voit sur sa gueule tout de suite que c'est le méchant, quoi. Ah oui, non, bah voilà. Alors c'est en 97, et on a l'impression d'avoir un méchant des années 80, c'est-à-dire que... Ce film, il fait vraiment faucher, quoi. Il fait vraiment d'un autre temps, quoi. Et pourtant, il fait moins faucher que Superman 4. C'est vrai. À peu de choses près, mais il fait moins fauché que Superman 4. Et puis il y a des scènes qui m'ont fait penser à Robocop, la façon dont il se déplace, avec les bagnoles qui explosent et tout, tu sais, un peu Robocop 2, là... Bah en fait, ouais, on y a un truc de l'omni-consumer product. Ouais, c'est ça, en fait, avec son gros marteau, qui est magnétique, d'ailleurs. Il y a des propriétés un peu magnétiques. Il fait des champs de force magnétiques. On sait pas non plus le Mjolnir, mais... Non, ouais, puis il peut s'en servir d'arme aussi, à projection. Ah oui, il y a une espèce de fusil, ouais. Ouais, il retourne, ça fait un fusil. Oh non, c'est un film qui fait vraiment fake, vraiment fauché. Et en plus, là, pour connaître l'histoire de ce bonhomme, faut le vouloir, quoi. C'est un spin-off de Superman, parce que, il y a deux, trois clins d'œil, il porte un tatouage à un moment de Superman. Ouais, mais c'est tout, on essaye de raccrocher les wagons à coups de pelle, mais voilà. Il n'y a jamais une mention de... Si, dans un dialogue, il parle de Superman à un moment. L'anecdotique, hein, ça va vraiment pas... Pour moi, c'est pas dans le même univers. Hein. Non, pour moi, c'est pas dans le même univers. Mais bon, c'est pour ça que je regrette un peu de l'avoir vu. Bah écoute, faut bien voir les nanars. Hein. Moi j'ai rigolé quand même, hein, parce que c'était tellement nanar. Et pourtant, il fait moins nanar que Superman 4. Ouais. Hein. Bah, à peu de choses près, hein. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Ouais, c'est vraiment la frontière est ténue. Et en parlant de nanar, on a oublié de parler de Supergirl, justement, qui est sorti en 1984, réalisé par Jeannot Swartz, donc un Français, avec Helen Slater dans le rôle de Kara Zor-El. Donc elle arrive sur Terre. Donc le scénario, c'est. Elle vit dans une sorte de bulle. Alors Argo, c'est la cité bulle, apparemment. Ce qui se passe, c'est que il y a une espèce de gemme un peu de l'infini. Oui, c'est vrai, ça fait carrément gemme de l'infini, quoi. C'est-à-dire qu'apparemment, ils tiennent tout leur pouvoir de ce cristal, donc il correspond un peu à un cristal kryptonien, hein, c'est-à-dire un mélange entre science et pouvoir. Et ouais, mais j'ai même pas compris d'où elle venait, moi, dans le film Supergirl, par exemple. Il n'y a pas grand-chose à comprendre dans ce film, c'est ça un peu le problème, c'est que tout est écrit de manière vraiment n'importe quoi. C'est vraiment fauché. Les derniers survivants de Krypton survivent dans une sorte de bulle, on dirait un parc d'attractions pour moi, déjà à la base. Et puis, quand elle voyage à travers l'espace, elle sort de l'eau. Je sais pas si t'as remarqué ça, mais puis en plus le costume il est fait sur mesure, hein. Ça c'est y a pas plus fort, hein. Donc le côté nanar là, tu le ressens bien, quoi. Bah c'est clair. Et puis moi ce que j'avais pas, je l'ai vu donc j'étais jeune. Et quand elle sortait de l'eau, moi au début je croyais que c'était une Atlante, en fait. Pour dire que j'avais pas tout compris. Ouais, puis le costume, vraiment, la féminité, etc. C'était que ça dans le film. Hein. On nous montre une gonzesse en petite tenue avec des super pouvoirs à la pseudo Superman, et puis c'est tout, quoi. Enfin, il y a pas vraiment de scénario. La pseudo histoire d'amour avec le mec dont j'ai totalement oublié le nom. Ah oui, l'espèce de hurluberlu, là, bizarre, là. Ouais, voilà, il lui arrive tous les trucs possibles, et puis il se rend compte de rien non plus. Ouais. Puis ouais, l'espèce de sorcière où j'ai pas compris non plus, quoi. Alors, plus c'est une grande actrice qui joue la sorcière, c'est Faye Dunaway, qui était quand même une grande actrice dans les 60, là. Elle cabotine, c'est un peu comme Gene Hackman, hein. Il choisit des rôles un peu cabotins, et voilà, quoi. Et ça sort de tous les côtés. Mais je crois que la scène la pire que je me souviens, c'est la scène de douche. Je sais pas si tu te souviens, cette scène de douche. Oui, cette scène purement gratuite où on voit des filles sous la douche. Non, c'est pas celle-là que. Elle les fait chauffer avec ses yeux, et puis là, elles sont toutes arrosées. Ça m'a fait penser. Alors, moi, il y a le truc qui est pas trop crédible, mais tu me diras, la crédibilité dans un Superman, faut chercher loin. Mais c'est le fait que le rayon laser, il passe à travers le mur, quoi. Rayon X, rayon laser, ça passe à travers, et elle fait péter la conduite d'eau pour arroser. J'avais cru qu'au début, c'était parce qu'elle faisait chauffer le tuyau. Mais non, en fait, le rayon arrive directement sur la chaufferie, en fait, sur les deux nanas qui veulent les ébouillanter, en fait. Encore une scène à noter au panoramique. Du côté effets spéciaux et scène d'action, c'est un peu plat, hein. Quand elle prend le bec de l'apoclin de la grue, comme ça fait totalement fake. Ah oui, ça aussi. Qu'elle le tient un bout de bras, tu sais. Puis le budget effets spéciaux, merci, hein. Quand t'as un monstre invisible, c'est la facilité, quoi. Un monstre invisible ou la zone fantôme, tu sais même pas comment elle s'en échappe. Oui, c'est vraiment plus une espèce de zone fantôme qui fait penser à. Ah, je sais plus dans quel film j'avais vu ça, avec un volcan et tout, là. Bah, ça fait penser un peu à Mustafar de Star Wars 3, quoi. Ouais, avant l'heure, mais en moins bien réalisé. Non, c'est clair, ça fait un peu fauché, quoi. Mais mais tout le sang le fauché, tout le sang la série Z, on voit qu'il n'y a pas de budget. Bon, les acteurs sont pas spécialement convaincants non plus. À la rigueur, j'ai plus rigolé devant Steel que devant ce pitoyable film, quoi. Après, voilà, on a fait des nanars, même avec un spin-off de Superman, Supergirl, et puis on nous l'annonce comme une merde sur une planche, hein, avec très peu de références à son cousin. Oui, il y a un beau poster, par contre, dans une chambre. Voilà, juste la référence, c'est ça, hein, c'est le poster dans la chambre, c'est tout. Alors, elle s'amène, elle a pas de papier, elle s'appelle Linda Lee dans le film, apparemment, parce que elle s'appelle pas Kara, et donc, t'as un beau poster de Christopher Reeve dans son qui a une fière allure, et je suis la cousine de Clark Kent, et tout le monde la croit, quoi. C'est bien, hein, dans les années 80-90, apparemment, aux États-Unis. Bon, si on n'avait pas de papier et qu'on disait qu'on connaissait quelqu'un, ça passait. Non, mais je veux dire, c'était un film juste pour faire un Supergirl, quoi. C'était pas un film. C'est opportuniste, hein, Ouais, c'est carrément opportuniste. Hein. Mm. Un peu comme le film Steel ou Superman 4. On racle les fonds de tiroir pour gagner un peu plus de cash, quoi. Ah ouais, c'est vraiment le fond de tiroir bien crasseux, quoi. Je veux dire. J'ai une aversion contre ce film. Même Superman 4 me paraît plus sympathique par rapport à ce navet, quoi. Ouais. Il est moins capillotracté Supergirl que Superman 4, hein, notamment au niveau. On en a déjà parlé, mais quand il prend la statue de la liberté par le bout sans qu'elle s'effondre, qui fait CTRL-Z avec la muraille de Chine, enfin tout ce qu'on a dit juste avant. Là, dans Supergirl, ça va, quoi. Moi, je trouve que ça reste correct. Par rapport à Superman 4. Hein. Ouais. Si on prend par rapport aux autres Superman, non, c'est. Non, c'est largement en dessous, c'est clair. Ouais. Même le 3 est bien meilleur pour moi. Le 3 est meilleur que Supergirl, je suis d'accord avec toi. Ouais, s'il faudrait les classer, je sais pas si on fera un classement, mais il y aura le 1, le 2, le 3 et le 4, et plus t'as de numéros et plus c'est catastrophique en fait dans la licence. Ouais, voilà, avec peut-être un match nul entre Supergirl et Superman 4, ça va dépendre des avis, mais c'est clair que c'est pas quelque chose qui aurait pu relancer une licence ou rapporter un engouement parce que scénario zéro, jeu d'acteur il cabotine, effets spéciaux revus et pas de nouveautés, monstre invisible parce qu'on sait pas quoi faire, on a fait le tour des défauts de Supergirl et. Ouais. Heureusement qu'il y a eu une petite mise au point quand Superman Returns est sorti, quoi. Superman Returns. Alors là où Fabien et moi ne partageons pas le même avis. Ouais. Moi j'ai bien aimé parce que c'est un hommage au film de Richard Donner. Et moi j'ai pas aimé parce que c'est un film qui fait cliché, fake et qui a nerfé complètement Superman. Le problème c'est que je te rejoins sur les effets spéciaux, c'est que le film a très mal vieilli. Et en plus le film part très mal aussi, tu m'as montré la scène coupée. Et avec cette scène là j'aurais mieux compris pourquoi il arrive totalement affaibli sur la planète, quoi. Moi j'ai pas compris pourquoi il a pas réintégré dans le montage final parce que c'était une belle scène qui visuellement était réussie. Et puis ça a dû coûter du blé, hein, parce que elle est vraiment bien réalisée. Hein. Je crois que c'est parce qu'il n'y a aucun dialogue. Donc, pendant 5 minutes, t'as pas de dialogue, t'as juste des bruits, il y a une ambiance. On retourne sur la Krypton version Donner. Et puis, dans cette scène, on trouve donc Brandon Roof qui a peint un quelqu'un de Superman, qui est parti pour un voyage de 5 ans vers une galaxie lointaine, très lointaine. Ouais, il arrive à retrouver Krypton, il se rend compte que le monde est complètement détruit, contaminé aussi parce qu'il a failli mourir dans l'exploration. Et puis, il y a un très beau vaisseau de cristal. Ouais, c'est d'ailleurs le vaisseau comme dans le premier. Hein. En fait, c'est lui qui l'a reconstruit dans la forteresse de solitude. Que cette scène-là aurait pas sauvé le film, mais aurait quand même augmenté sa qualité. Non, puis comme intro, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que Brandon Roof était assez convaincant dans le rôle de Superman. Maintenant, les rôles secondaires, il y a Kevin Spacey, moi je trouve qu'il cabotine beaucoup. Ouais, puis même la manière dont ça se passe, moi c'est quelque chose qui m'a déplu. Et le côté sombre du truc, moi j'ai bien aimé, style Superman qui se fait latter par. les espèces de queues d'acolytes de. Oui, parce qu'il transforme une île en kryptonite, ouais, ou c'est quelque ça. Chose dans le genre. Moi, j'ai trouvé que c'était super bien fait, cette île remplie de kryptonite. Ouais, moi, j'ai trouvé que ça faisait vraiment, pauvre, fake. Enfin, voilà, le film m'a pas plu du tout, m'a pas emballé, j'ai pas accroché à l'histoire. En plus, la scène finale où, apparemment, même en kryptonite, il arrive à la bazarder dans l'espace. Bah, tout des choses comme ça qui. Enfin, il meurt quand même, hein. Il meurt quand même, mais je veux dire, il est affaibli, il arrive à envoyer une planète en kryptonite dans l'espace. Une île en kryptonite dans l'espace. C'est vrai que le non, moi, c'est des trucs qui m'ont gêné. Bon, la scène où il rattrape l'avion, ouais, c'était correct, mais. Bon, on l'a déjà vu mille fois cette scène. Mais c'était pas. Enfin, je veux dire, c'était pas dans la lignée des autres films. Ouais. Ça faisait pas. Voilà, ça faisait. On essaye de rattraper un peu une licence, puis de voir un peu ce qu'on arrive à faire avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. C'est tout ce qui m'a semblé voir. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon spectacle, un bon divertissement. Non, je classe pas dans les meilleurs Superman, hein, loin de là. Comme je disais, il y a quelques bonnes scènes qui visuellement sont assez réussies. Par contre, l'histoire du gamin, moi, je n'ai pas du tout adhéré, parce que je trouve que ça n'a rien à foutre là-dedans. Ouais, il voulait nous faire une suite si ça avait marché pour un Superboy. Singer l'a bien dit, c'est qu'il voulait faire une suite à Superman 2 et il voulait complètement virer Superman 3 et 4 de la continuité. On sent trop l'hommage, on sent trop. Puis je sais pas, il y a une patine qui aujourd'hui me passe mal, je trouve, au niveau de l'écran. Puis lourd, pesant. Moi, je sais bien qu'il faut pas aller dans la légèreté ultime, mais non, c'est quelque chose qui m'a pas emballé plus que ça. Mais il y a quelques bons plans. Moi, je parlais tout à l'heure du plan où il soulève la bagnole. Ça, c'est clairement un hommage à l'Action Comics. Il y a aussi l'histoire de l'avion. Hein. Ça, c'est aussi dans le comics où Superman qui monte un côté un peu jaloux quoi, quelque part quand il sait qu'elle est maquée avec le fils de Perry White. Il croit que le gamin c'est le fils de Lois et de ce gars. D'ailleurs, l'acteur qui fait White là, c'est le Cyclope de X-Men. On peut signaler que il y a quand même près de 20 ans entre le quatrième et le Returns. Et 20 ans au cours desquels il y a eu quelques projets abandonnés. On va passer au film de 2013 qui relance un peu la licence. Man of Steel. C'est le premier film de la DCEU, on va dire. Voilà, du DCU, hein, on va l'appeler comme ça. Moi personnellement, c'est pas un film qui m'a. T'as pas aimé non super plus. Emballé. C'est pas que j'ai pas aimé. J'ai bien aimé toute la symbolique qu'il y avait autour. Franchement, les scènes d'action et de bagarre, je les ai trouvées cafouillies et j'arrivais pas à savoir où j'étais. J'avais l'impression de regarder un Transformers. Ouais, Snyder, il est un peu comme ça. Hein, quand tu vois les 300 ou ces films style Sucker Punch, il est un peu fouillé dans ces scènes de bagarre. Mais moi, j'ai bien aimé, c'est l'histoire, l'aspect épique, le fait qu'on présente une nouvelle Krypton avec Jor-El et tout ça, et Zod. Il y a vraiment un passif qui est plus développé que dans la version de Donner. Moi, j'ai bien aimé quand il chevauche une espèce de pyrodactyle quand il retourne à sa maison. Ouais, quand il joue à Avatar. Ouais, mais là, tu trolles, là. Ah non, je troll pas, hein, c'est exactement Avatar, hein. Tu regardes Avatar, c'est le même, hein. Ouais, mais il chevauche un ptérodactyle, et puis voilà. Quoi. L'architecture de Krypton était quand même un petit peu. Ouais, l'histoire était bien, l'idée du codex était bof. Ouais, par contre, la symbolique est géniale, parce que celui qui gagne à la fin, c'est pas Superman, c'est Zod. Ouais, là, si on peut spoiler la fin, mais de toute façon. Ah, moi, nous, on voit, là, quand même, 2013, on suppose que vous l'avez vu, quand même. Ouais. Mais, comme tu dis, mais moi, j'ai bien aimé aussi Cavill, qu'on voit qu'il veut pas être Superman non plus. Et qu'il est vraiment poussé à l'extrême pour devenir Superman, quoi, finalement. Ouais, et puis il y a toute la symbolique aussi qui est bien, qui a été bien filmée par Snyder, du coup, là. Par exemple, le monde est vraiment sale, terne et machin, et quand tu vois Superman qui arrive, c'est lumineux et tout. Alors là, pour le symbole de l'espoir, j'ai trouvé ça super bien. Après, le fait que, par exemple, qu'il se rende, quoi. C'est le Boy Scout, il est là, il se rend, il a des super pouvoirs, il peut détruire tout ou se barrer quand il veut, mais non, il se rend. Il essaye de réfléchir à la solution qui serait la mieux pour éviter le plus de catastrophes possible. C'est ça. Donc ça, c'est quand même bien. Après, la scène finale est magnifique. Quoi. Contre Zod, tu vois sur la gueule de Carville que vraiment il a l'impression de souffrir de liquider Zod. Et là, tu te dis, Zod y a gagné. Quoi. Superman a dû renoncer à sa conviction de ne pas tuer pour sauver 4 pecnos dans une gare. En même temps, je crois que c'est peut-être la première fois. Et il se dit, je recommencerai plus. Quoi, tu vois. Ah, et puis tu vois le jeu d'acteur, il est bon quand même. Hein, tu vois la souffrance sur le visage. Moi, quand j'étais dans le cinéma, j'ai dit, non, il va devoir le tuer et tout. J'étais pas en train de me dire, vas-y, nique-le, c'est bon. C'était sous tension, quoi. Quand même, franchement, t'étais bien sous tension. Ouais, parce qu'il y a pas le choix, en fait. Ouais, là, soit il laissait crever les gens autour de lui, ou soit. Tu vois, et là, Zod y a gagné. Parce que Zod lui avait dit, tu pourras pas toujours faire les deux. C'est ça. Faut trancher dans la vie. Ouais. Et là, il y a du trancher. C'est un peu moins mièvre comme Superman. Il est plus réfléchi, mais après, moi, c'est surtout les scènes d'action. J'arrivais plus à savoir ce que je regardais. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup des belles scènes, style la terraformation, où je pense à cette scène où il y a son costume noir et qu'il s'enfonce dans les crânes, par exemple, des scènes un peu oniriques, quand il est sur le vaisseau spatial, où justement, il est habitué à l'atmosphère de la Terre et quand il est dans le vaisseau, bah, il sait plus quoi parce que. Bah, c'est néfaste, il peut pas s'adapter. Ouais, c'est l'atmosphère de Krypton, en fait. Voilà. Et c'est super bien fait. C'est super bien trouvé, parce qu'ils ont trouvé les moyens de l'affaiblir sans dire, c'est magique, c'est de la kryptonite. Ouais. Donc là, c'était vraiment bien pensé. Il y a des bonnes idées. Ouais, il y a des bonnes idées. Mais moi, c'est un film que j'ai trouvé quand même brouillon. Il y a quand même du bon à prendre dedans. Moi, j'ai passé un bon moment à le regarder. Ouais. Mais ces scènes de combat m'ont gêné. Enfin, ça se battait dans tous les sens et j'arrivais pas à savoir où j'étais. Tu vois, j'arrivais pas à me placer, à suivre la continuité. Ouais. Bon, bien sûr, il y a des trucs dantesques. Hein, quand il se prend le coffre-fort, tu vois, dans Smallville. Voilà. Et tu vois, là, la scène d'action s'est calmée. S'il se prend un coffre-fort, il se prend le temps de relever et tout. Et là, du coup, on accroche plus. Il y a une bonne idée avec l'histoire des casques aussi quand ils arrivent. Super bonne idée. Il faut vraiment qu'ils s'adaptent. C'est pas comme Zod quand il est dans Zod dans l'ancien film. Ils arrivent sur Terre, hop, il est adapté tout de suite. Ils arrivent pas en terrain conquis, ils doivent s'adapter. Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'était vachement bien fait ça. Et moi, je pense aussi à cette scène avec Jonathan Kent, mais je trouve que c'est un peu ridicule. C'est quand il est dans la tempête qui dit non, faut pas que t'interviennes. Bah, surtout que c'est Superman, hein, il n'y a pas le temps de le voir. Il aurait pu vite fait de le ramener. Il fait un aller-retour. Il y a personne qui aurait rien vu. Et pour sauver quoi? Un chien, quoi. Ouais, voilà. Non, les mecs. Crypto, j'ai l'impression que c'était un cadeau à Crypto parce qu'à un moment, il n'y a pas le chien qui a une. Ah non, c'est lui qui a une cape en rouge quand t'es gamin. Ouais, quand il est gamin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Pas tant que ça, en fait. Une fois qu'on a fait le tour de la symbolique et des scènes d'action et un peu le cafouillis. Il y a l'image aussi christique du truc. Quand il va voir le père, tout ça, on est dans la dimension christique du personnage. Ouais, puis quand ils sauvent des gens, ils essayent de le toucher, etc. Ouais, ça fait un peu biblique. Ouais. Et c'est quand même bon de rappeler que. Dans le DCU, ils ont voulu déifier ce personnage aussi. Quoi. Puis comme tu dis, Henry Cavill est bien meilleur dans celui-là que dans les autres films. Quoi. Henry Cavill est bon dans le Superman. Hein. Là, Batman vs Superman et Justice League, je l'ai trouvé beaucoup moins bon. Non, il est médiocre. Moi, je trouve qu'il est médiocre par rapport à Ben Affleck, par exemple. Conclusion, c'est la direction artistique qui a mal tourné. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Quoi. Non, moi, je trouve que Batman Steel est un bon reboot pour moi. Il y a des défauts, certes, mais ça écrase pas le film. Maintenant, c'est peut-être que c'est un peu long parfois. Mais là, ils ont eu la bonne présence d'esprit de pas couper ce qui était parfois un peu long quand ils sauvent les enfants pour montrer qu'il est déchiré de pas pouvoir aider quand son père a dit t'aurais dû les laisser mourir littéralement quoi. Enfin, dis pas ça, mais quand tu vois le côté du père qui te dit je peux pas te dire t'aurais dû les laisser crever, mais en même temps t'as un secret à protéger et lui qui te dit j'ai le pouvoir de le faire, pourquoi j'ai pas le droit, tu vois. Le questionnement sur la remise en cause depuis son enfance, sur la divinité, tu vois. Quoi, quelque part. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il est parce qu'il est capable de faire des choses, est-ce qu'il a le droit de faire des choses. Il y a une belle scène aussi que j'ai trouvé, c'est quand Jonathan lui révèle que il est pas humain quoi. Et puis lui il panique, il dit est-ce que je pourrais encore être ton fils? Et là il y a Jonathan qui lui fait mais tu es mon fils. C'était une belle scène aussi. Il y a des scènes qui sont vraiment bien tournées. Et puis il y a d'autres plus brouillonnes. Bah, surtout les bagarres entre Kryptoniens en fait. On passe. 2016, BVS, Batman versus Superman. Ouais, donc 2016. Donc Henry Cavill reprend la cape. Je sais pas quoi penser de ce film. Quand on regarde la version longue, c'est bien. Et quand je regarde la version cinéma, ça pêche. Moi, j'arriverai plus à regarder la version cinéma parce que je trouve qu'il y a trop de coupes, il y a trop d'incohérences, il y a trop de facilité et de raccourcis, je veux dire. Bah, par contre, on va prendre le film dans son ensemble peut-être pour dire que il y a quand même le héros de Gotham, Batman, qui se pose la question de Lex Luthor. Hein. Le mec là, c'est bien, il est gentil, il est cool, il veut nous aider. Qu'est-ce qui se passe si c'est l'inverse? Donc, tu vois, il se pose la question, il dit qu'est-ce qui arriverait s'il pétait un plomb et qui décidait d'être méchant. C'est un peu le questionnement dans The Dark Knight Returns de Frank Miller finalement. C'est que là c'est un peu différent dans Dark Knight Returns, c'est que Superman est au service de l'État, du gouvernement. Et donc quand il voit que Batman commence à être un petit peu porté sur la violence dans Gotham, il décide d'intervenir et c'est là qu'il y a l'affrontement entre les deux. Ouais. Là, le postulat est un peu différent du film finalement. Ouais, ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'ils avaient vraiment envie de tourner une scène de baston entre Batman et Superman. Quoi. Ouais, mais c'est mal amené quoi. Ouais, c'est mal amené, tout amène à prétexte. Bon, il y a des bonnes scènes, notamment quand il rentre dedans avec sa Batmobile. Ah oui, oui, oui. Puis que l'intrigue, il bouge pas, quoi. Bon, donc là, il y avait une bonne scène. Attends, il y a une intrigue avec Luthor. Moi, l'acteur qui fait Luthor, c'est Jesse Eisenberg. Je le trouve complètement mauvais, moi. Je le trouve pas bon. Il surjoue, hein. Ouais. Ouais, c'est, on n'y croit pas, hein, en un Luthor. Et puis, bah, on essaye de nous montrer qu'il est calculateur, manipulateur, etc. C'est un bouffon pour moi. Donc. Mais ouais, on n'y croit pas, hein. Ouais. Et surtout dans ses prétextes, quoi. Il dit, je tiens ta mère quelque part, tu la trouveras jamais. Tu fais un coup de rayon X, tu scannes toute la ville, tu retrouves ta mère et tu viens péter la gueule à Luthor. Ouais, je comprends pas. Je trouve qu'il y a trop de facilité. Ouais, bah je vais aller péter la gueule à Batman. Ouais. Et puis surtout, comment ils se réconcilient, quoi. Ça, oui. Martha. Ça fait polémique sur Internet et. Ah, c'est une série de même. Hein, mais ça. C'est complètement ridicule. Ridicule. Le retournement de situation est ridicule. Ouais. Pourtant, les scènes de combat avec Batman contre le reste du monde, pas contre Superman, sont bien. Ah ouais. Alors quand là, quand il est sur le, par exemple sur le port avec la Batmobile, la Batmobile qui est quand même de la classe. Hein, ouais, mais même quand il est dans le bâtiment, il se prend des coups quand même, Batman. Ouais. Hein, tu vois, c'est violent, mais il marque au fer rouge les méchants et tout. Ah ouais, là c'est le Batman. C'est vraiment celui de Frank Miller, quoi. Après, moi j'ai bien aimé le fait que Batman, enfin c'est l'impression que j'ai eue, qu'il se rende compte en voulant liquider Superman, bah, qu'il était pour mieux que les super vilains, quoi. Parce que là, il y a le pouvoir de liquider le dieu, et il va le faire, et puis il se rend compte qu'en fait, bah, le dieu qui est par terre avant tout, c'est un être vivant, c'est un humain, et qui veut protéger sa mère. Bon, alors, c'est un peu mièvre, hein. Mais ça, c'était quand même bien de montrer que... Parce que là, c'est là où Batman est tout chamboulé, et puis qu'il se dit, putain, merde, je suis un salaud, en fait. C'est très, très mal. Je pense qu'ils auraient pu, injecter une dose de subtilité, et ça aurait mieux passé, tu vois. Et là, c'est... Ah, on balance ça, comme par hasard, c'est vrai que comme par hasard, la maman de Clark et de Bruce, elle s'appelle Martha. Ouais, non, le prétexte à la réconciliation, il est pas bon. Il est fallacieux. Il y a la rage, quoi. Ouais. Et puis surtout, qu'on nous balance une Wonder Woman comme une merde sur une planche. Ouais, mais là, c'est vraiment l'introduction du personnage, quoi. Ah ouais, ouais. Tiens, va là. Il y a une scène de baston. Donc on voit quand même Diana avant dans la scène où il se rend compte, là, le Bruce et... D'ailleurs, Superman, c'est bien que c'est Batman qui est en face de lui. Hein. Bah ouais, là, tu l'entends. Après, là, Batman, c'est que Clark est Superman à cause de ses trucs de détective. Mm-hmm. Voilà, mais c'est encore des trucs mal amenés. Après, voilà, moi, et puis la scène finale, il se réconcilie vite, et puis... Batman qui arrive à tenir tête à Doomsday, j'ai un peu de mal à le croire quand même. Non, ça c'était vraiment nul, hein, cette scène avec Doomsday. Et puis Doomsday m'a amené, c'est vraiment... c'est pas ça, quoi, je veux dire. Ah ouais, puis attends, alors... mais Superman arrive à balancer Doomsday dans l'espace. Ouais. À mon avis, il voulait l'emmener jusqu'au soleil. Il meurt. Et les Terriens, ils se disent, bon, on va leur balancer une bombe atomique à ces deux connards. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de scène où il est tout maigrichon. Ouais, comme Bizarro, quoi. Ouais, bah ouais, pourquoi il balance pas? Bah, l'autre, il est prêt pour le balancer dans le soleil, et le mec, il dit, bon, non, balance-leur une bombe. Qui sont cons, ces humains, ouais. Bah, ouais, voilà. Ouais. Puis après, alors, le truc, Wonder Woman contre Doomsday, j'ai l'impression que Wonder Woman est quand même plus fort que Superman. Hein. Là, littéralement, l'assaut de je sais plus quoi, là, le bouclier et tout, ouais, vraiment pété de pouvoir, plus pour pété moi, de pouvoir que dans le film pour Wonder moi, Woman. Wonder Woman, elle est peut-être balancée comme ça à l'arrache. Mais elle a plus de classe que les deux autres, quoi. Ouais, mais elle est pas annoncée, elle est balancée à l'arrache, ça fait un peu on a besoin encore d'un plus fort, machin. Ouais, je trouvais qu'il y avait des gros problèmes dans le scénar. Maintenant, moi je salue aussi la performance de Ben Affleck, par exemple, dans le rôle de Bruce Wayne. Il est vraiment bon en tant que Bruce Wayne et en tant que Batman. Il est là, il est dur, il est impitoyable. Moi j'ai adoré les scènes dans la Batcave où il y a même un clin d'œil à Robin avec le costume. Quand tu vois le retour de la Batmobile dans la Batcave. C'est un peu le même que dans la version de Burton, quoi. Bref, pas faire plaisir aux fans pour leur faire plaisir, je dis toujours ça. Mais moi, ça marche aussi. Ouais, ça marche, c'est ça le problème. Donc, tu serais bon pour Ready Player One, du coup. Ah non, je suis pas bon parce que je vais voir d'autres films. Mais sinon, il y a des bons éléments, mais il y en a pas assez, et je pense que c'est le film qui a commencé à péter la licence du DCU. Ouais, parce que bon, là, on parle de Batman vs Superman, il y a eu Suicide Squad, dont on a parlé vaguement tout à l'heure, mais on va pas revenir parce qu'il y a pas de Superman dans ce film-là, et puis c'est pas bon. Non, puis après, il y a la Justice League, hein, 2017. Ouais, Justice League, Et ben, on continue sur la même lancée, on prend tout ce qui a pas bien fonctionné, tout ce qui était un peu débile, et on vous le resserre. Et là, c'est encore pire parce que le vilain, il est horrible, quoi. Le vilain, il est horrible. On peut réaliser des vilains en images de synthèse. Bah oui. Ça a été prouvé avec Avengers et Thanos. Thanos, ouais. Il est tellement bien fait, ce personnage, qu'on croit rien vrai. Ouais. Et là, un Steppenwolf dégueulasse, un Superman ressuscité qui pète un plomb juste pour le plaisir d'aller affronter plus, la Justice League. Avec un raccord moustache qui est complètement horrible. Alors qu'ils auraient fait un Superman barbu, on y aurait cru. Hein. En plus, il n'y avait pas de problème avec ça. Dans le comic book, quand il porte son costume noir, il me semble qu'il est barbu. Bah ouais, il a été enterré, il peut continuer à pousser. Parce qu'apparemment, on nous dit que même mort, ça continue à marcher, ses cellules. Ouais. Donc voilà, et puis des trucs remis à l'arrache. Oui, il est remis à l'arrache, hein. C'est vraiment à l'arrache. Ouais, combat dans une zone fantôme, enfin tout ça, on l'a déjà dit dans le truc Justice League qu'on a fait un petit podcast là-dessus quand c'est sorti. Des gros problèmes avec l'univers de Justice League. Hein. Bah complètement, puis il y a plein d'incohérences avec les personnages. Et puis là, Superman qui sert qu'à péter la gueule au plus fort, quoi. Enfin, je veux dire. Ah, s'il était pas là, ils seraient tous morts. Ouais, c'est l'arme de destruction massive, ouais, quoi. C'est voilà, il est là pour faire le muscle. Ouais, t'as des seconds couteaux style Aquaman, Flash, Cyborg. Cyborg qui est complètement transparent pour moi. Ouais, Aquaman qui est bien parce que c'est un comic relief. Ouais, Flash qui sert carrément de. Jason Momoa, quoi. Ouais, ouais. Flash qui sert carrément de comic aussi. Ezra Miller, ouais, Ezra Miller. Batman qui est beaucoup moins sérieux que le premier. Enfin, je veux dire, moins. Ah ouais, il est moins badass, ouais. Voilà, la seule qui se démarquait du lot pour moi, c'était Wonder Woman. Mmh. Mais elle se fait quand même latter par Superman, hein. Ouais, elle se fait latter, mais bon, voilà, quoi. C'est un petit prétexte, et puis c'est Lois qui arrive. Parce que Batman. Alors ça, c'est ta gueule, c'est magique, hein, franchement. Non, c'est Flash qui était revenu dans le passé pour dire Lois est la clé. Je pense qu'ils ont voulu raccorder ce morceau-là, tout simplement. Bah, moi, je pense qu'à ça. Puis bon, voilà, le film, les CGI sont pas très bons. Ouais. L'univers, à la fin, ça se passe dans un lieu abandonné, comme ça, il n'y a pas trop de morts. Superman, ça sert à le faire ressusciter juste pour que. Parce que sinon, on n'a pas la puissance de feu qu'il faut. Voilà, moi, je pense que c'est un film oubliable, Justice League, et malheureusement, ils ont voulu faire leur Avenger, mais ils l'ont fait trop vite. On baisse de qualité vraiment plus dans ce film-là. On baisse de qualité, même les effets spéciaux. Il y a du budget là-dedans, et Steppenwolf, du budget, dégueulasse. Tu sais pas où les mettre, le budget, quoi. Non, puis il est mal fait, Steppenwolf, t'y crois pas, quoi. Il est pas visuellement crédible. Il est sorti de... Qui est pas beau, je m'en fous, mais il est pas crédible, puis ils le battent même pas, quoi. Il finit par avoir peur, donc il retourne par un tunnel boom dans sa planète. Quand il se déplace, on sent le CGI à tout instant, on sent le mec qui est sorti d'une cinématique de PlayStation, à la rigueur, tu vois. Ouais, pas crédible, comme ça. Puis, voilà, Superman qui redevient Boy Scout alors qu'il a failli péter la gueule à tout le monde 5 minutes avant. Ouais. Parce que Lois, elle dit oh ouais, pépère, il est l'heure, hein, faut aller te battre. Hein, ouais, alors qu'il est tranquille dans son champ avec sa chemise. Ouais, voilà quoi. Donc, c'est un film pour moi qui malheureusement est assez oubliable. Ouais, ouais. C'est malheureusement et ce sera pas le dernier apparemment, mais parce qu'on a tous les trucs crossover et puis apparemment, Rick Cavill aurait signé pour un Man of Steel numéro 2. Bah, donc, voir ce que ça a donné au Man of Steel numéro 2. Man of Steel était quand même mieux réalisé que le reste. Ouais. Petit espoir, on va voir. Il est peut-être mieux en solo qu'en équipe. En tout cas, le potentiel de Superman est toujours exploitable. On peut peut-être finir la partie cinéma en signalant les quelques projets qui ont été abandonnés. Oui, on a notamment un film qui aurait dû sortir avec Nicolas Cage en 98, Superman Lives. Oui. Donc j'ai regardé un peu l'émission qui était passée, qui m'avait donné à regarder. Ouais, le reportage, Voilà, ben, je comprends pourquoi il n'est pas sorti. Hein. Ouais, en même temps, il y avait quand même pas mal d'idées intéressantes, mais est-ce que ça aurait donné un truc crédible, parce qu'il était question d'adapter l'arc de la mort de Superman, et avec en introduisant Doomsday, Brainiac, Luthor, enfin un peu un fourre-tout. Ouais, un gros gloubli-goulga de personnages. Ce qui colle pas du tout dans le truc, c'est Nicolas Cage. Quoi. Alors, je l'ai vu en essai costume. Ouais. Oh putain, on n'y croit pas du tout. C'est moche, c'est super moche, quoi. Mais moi, j'aime bien Nicolas Cage en tant qu'acteur, mais moi, j'aime bien dans certains films. C'est vrai que, bon, heureusement qu'il a fait Ghost Rider après, mais bon, pour lui, mais il voulait faire. Apparemment, il était aussi sur la liste des potentiels acteurs pour Iron Man avec Tom Cruise. Mais ça, c'est une petite anecdote, mais ça colle pas du tout avec le personnage, quoi. Puis c'est un projet, de toute façon, qui était mort dans l'œuf parce que même les scénaristes savaient pas où ils allaient avec tout ça. Donc, Ouais, et puis bon, il y a différents scripts, il y a du Superman Reborn, il y a Kevin Smith, même qui est très connu dans le milieu du comics, qui avait sorti une espèce de scénario de script avec une araignée géante qui venait de la planète de Hawkman, d'après ce que j'avais compris. Après, bon, vite parler en 2002 de Superman Flyby, J.J. Abrams, parce que J.J. Abrams, avant de voir Star Trek et toutes ces séries, bah, il était scénariste, et donc lui, c'est carrément le kryptonien, le fils de Zod qui vient sur Terre avec une espèce de méca pour défoncer la tronche à Superman. Et là, c'était un peu spécial parce que c'était l'initiative partie pour faire une trilogie, mais ils ont pas validé parce que c'était beaucoup trop cher à financer déjà. Et puis là, on a en 2009, c'est le dernier vrai projet, c'est le crossover Justice League Mortal, donc par le réalisateur de Mad Max, George Miller. Là, il était question d'une Justice League d'original, je veux dire, mais c'était très kitsch au niveau costume, le scénario était pas très développé, on avait comme vilain Maxwell Warlord, je sais plus, c'est pas un super connu, je crois qu'il apparaît dans Supergirl d'ailleurs. Ah bah alors là, je vois pas du tout. Mais c'est un mec qui manipule les pensées apparemment. L'idée de être incarné par J.J. Cotrona, et là on avait aussi c'est tombé dans l'eau parce que bon apparemment il n'y avait pas le budget, puis il n'y avait pas non la Warner non plus ne voulait pas. Enfin il y a eu un gros trou quand même entre deux films. Il y a eu une relance, mais là je trouve que j'ai l'impression que ça fait le yo-yo au niveau qualité et même le yo-yo vers le bas quoi. Bah ouais, moi si on prend l'exemple de suite 98 Superman Lives, ouais. Je pense que ça aurait fini de couler une licence. Là il y a encore quelque chose à sauver avec les nouvelles licences. Faudrait un petit peu revoir à améliorer et pas se laisser influencer par les putains de fanboys qui veulent ça c'est et ça. Il y a quelque chose à faire avec la licence Superman. Pour moi elle est pas morte, mais il faudrait plus arriver dans des trucs comme Man of Steel, plus dans le symbolisme, la psychologie, et arrêter de penser qu'on n'est pas capable de réfléchir. On peut réfléchir, on peut s'adapter et faire quelque chose de quand même plus intéressant qu'un Justice League qui est sorti récemment. Ouais, je crois que maintenant c'est ce qui prévaut, c'est le visuel, c'est les références, c'est l'action, c'est le débridage numérique, cette espèce de festival de numérique limite à gerber quoi, tu vois. Ouais, un étalonnage, regardez, on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça. Et conclusion, le jeu des acteurs empathie et le scénario empathie beaucoup. Ouais, puis on crée des personnages de merde comme Steppenwolf ou Ares. Techniquement, il y a quelque chose à raconter sur eux, mais les bâcler comme ça, ouais, évidemment, on peut pas accrocher. Voilà, et puis de toute façon, voilà, il y a matière à faire. Je pense que de toute façon, au pire, ils vont refaire un reboot des licences, comme d'habitude. Ouais. Donc, à voir ce qui peut sortir sur le Superman. Donc, 80 ans quand même de 80 ans, de Superman. 80 ans et toutes ses dents. Toutes ses dents, évidemment, Kryptonien. Et puis là, je pense qu'il y a encore quelque chose qui peut nous surprendre au niveau de Superman si on nous fait confiance au niveau de la pensée scénaristique. Truc. Ah oui, peut-être une dernière anecdote sur Krypton. Il y a un physicien du nom de Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien, qui aurait découvert une planète qui gravite autour d'une naine rouge. Et donc cette planète, elle se situerait, parce qu'on sait pas bien situer Krypton dans les comics. Alors lui, il situerait la Krypton à 27 années-lumière, donc dans la constellation du Corbeau. Voilà, bon. C'était une anecdote marrante pour compléter le dossier, puis pour finir, et puis bon, on est pas en mal, parce que je pense que Superman a de multiples facettes, moi peut-être moins que Batman. Bon, il peut nous proposer encore il peut encore nous surprendre, on va dire. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.